On continue de philosopher avec Beethoven. Aujourd'hui et pour ce troisième temps, on se rend rue Milton, dans le 9e arrondissement de Paris, chez le philosophe André Tuboeuf. Bonjour André Tuboeuf. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de venir jusque chez moi. La dernière fois que nous avons parlé, c'était de Mozart. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes venus chez vous pour parler de Beethoven. Et sans être indiscrète, je vois que de nombreux CD habitent vos murs. Je ne pense pas qu'il y ait tout Beethoven, en tout cas. Et c'est sûr qu'il n'y a pas seulement du Beethoven. Mais je veux dire qu'à un moment donné, pour Beethoven, on n'a même plus besoin des disques. Parce que quand on est suffisamment âgé, les choses essentielles qu'il y a chez lui, on en est tellement porteur soi-même. Et d'une certaine manière, on n'a plus besoin de les entendre. Ou alors, pour bien me remettre sous sa main, sous sa griffe, dirais-je, ces derniers soirs, j'ai dû écouter 7 ou 8 fois simplement la sonate Waldstein. Parce que, voilà, l'énergie, elle est là. Le concentré de ce qu'est Beethoven est là. Il n'y a pas d'anecdote, ça ne décrit rien, ça avance et ça vous entraîne. Et ça ne vous laisse pas le choix. Et d'une certaine manière, quand 7 ou 8 de ses œuvres essentielles, vous les avez entièrement intériorisées en vous et que vous le vérifiez quand même par la répétition que permet, Dieu merci, le disque, eh bien, vous avez votre Beethoven essentiel avec vous. Vous êtes philosophe, André Tuboeuf, ancien professeur de philosophie. Vous avez enseigné toute votre vie, vous avez aussi écrit de la philosophie, vous venez de finir un livre sur Platon. Et vous êtes aussi un grand, pas simplement un grand connaisseur de musique, ni même un amateur, vous aimez penser avec la musique. Oui, pour deux raisons. Enfin, la première, c'est que mon premier métier est de penser, que je ne peux pas faire autrement que de penser. Il y a des jours où je voudrais bien ne faire que sentir, parce que la pensée vous tire par les pieds et vous empêche de dormir. Mais enfin, voilà, en un sens, mon premier métier est de penser. Mais d'un autre côté, alors, j'ai tellement vécu avec la musique, grâce à la musique, et une musique que je ne pouvais appréhender que par les oreilles, car je ne suis pas du tout musicien de formation. Et par la force des choses, il y a quelque chose comme un vocabulaire de ce que l'on ressent, une façon d'essayer de le dire et de le traduire quand même, malgré l'espèce de grand interdit qu'on nous a mis sous les yeux en disant « touchez pas, la musique c'est ineffable ». Ben, le métier du penseur, c'est qu'il n'y ait rien qui soit ineffable. Il y a des émotions qui sont ineffables, il y a des coups de cœur qui sont ineffables. Tout ça est sans discours, il n'y a rien à dire, voilà, on reste muet ou on crie. Mais l'idée qu'il puisse y avoir, et dans un domaine aussi riche, aussi varié, auquel manque évidemment la couleur telle que les yeux la voient, mais qui est évidemment pleine de couleurs telles que les oreilles les distinguent et les entendent, il faut évidemment qu'on apprenne à oser parler de cela. Bien entendu, jamais je n'aurais osé le faire d'une manière officielle. Ça, c'est, je veux dire, prenant la parole au lieu de la musique à qui on ne donne pas la parole. Ça s'est fait peu à peu, sans que je m'en aperçoive le moins du monde. Et je vous dis, sans avoir appris la musique, il y a eu des milieux dans lesquels je suis devenu, bien malgré moi-même, une espèce de, je dirais pas d'autorité, mais voilà, d'oreille. Et d'oreille au bout de laquelle il y a eu aussi, voilà, une voix, une façon de parler. Je me souviens de la fougue et de l'intelligence avec laquelle vous parliez de Mozart. Et vous convoquiez Platon pour analyser la musique de Mozart. Aujourd'hui, nous parlons de Beethoven, et cette fois, c'est Nietzsche qui sera parmi nous. Quel est le point commun ou le lien entre Beethoven et Nietzsche? Je ne pense pas qu'il y ait certainement de la part de Nietzsche une admiration pour Beethoven, et il est probable que si Beethoven avait connu Nietzsche, il aurait eu peur de lui, il aurait peut-être même filé doux devant lui, mais il aurait respecté l'humeur qui ose dire ce qu'elle ressent, pas seulement ce qu'elle pense, mais ce qu'elle ressent. Et puis, il y a quand même entre les deux cette espèce de solitude tragique. Il y a l'asile pour Nietzsche et il y a la surdité pour Beethoven, et même au-delà grade de la surdité, il y a la solitude essentielle. Enfin, ces gens qui sont nés pour ne faire couple avec personne et d'aucune manière, ces individualités enfin, fracassantes, et toutes les deux enfin, capables d'une échappée de lyrisme simplement incomparable. Et d'humour. Et d'humour. Dans les deux cas. Et d'humour. Alors, c'est pas le terme qu'on emploie le premier quand on parle de Beethoven. Mais enfin, il faut, non, pour être franc, on peut le mettre, parce que j'espère que tout musicien a de l'humour, enfin, même les plus sévères et les plus gourmets, ou alors quoi. Mais enfin, Nietzsche lui-même ne veut pas être un rigolo, c'est certain. Mais bon, l'humour n'est pas la première chose que je citerai à propos de Beethoven. Personne d'ailleurs, je crois. Personne, même s'il n'en est pas exemple, on y reviendra peut-être. Quand on vous a proposé de faire cette émission à partir de certains morceaux qui vous étaient chers, on vous a aussi signalé que hier nous parlions des sonates avec Julien Libert, demain nous parlerons des quatuors de Beethoven avec Bernard Fournier, et vous avez, ça tombait bien, proposé de parler, en tout cas de commencer avec l'opéra. Oui. De Beethoven, parce oui. qu'il a écrit un opéra qui s'appelle Fidelio, qui est moins connu que le reste de ses pièces. Mais je dois dire que j'aurais volontiers commencé par les sonates. C'est vrai, par et la place était prise. Ou même je m'y serais tenu. Parce que mais on va peut-être aussi y parler. Ah oui, tout à en fait. Parler. L'essentiel de Beethoven est évidemment là. Et comme ces deux choses qui m'intéressent vraiment étaient prises, j'ai pensé, et il m'est tout à fait naturel de penser, pensez à Fidelio qui est peut-être de toutes les œuvres de Beethoven la plus beethovenienne, celle qu'il a voulu dans ses détails, dans sa structure, dans sa dramaturgie, dont il a emprunté le sujet à un fait divers encore presque contemporain, situant son drame à lui dans la vie quotidienne de gens qui ne sont pas des rois et des archiducs ou des archevêques, mais qui sont, bon, des gens du commun, des petits nobles du commun, des bourgeois, si l'on veut dire, Léonore et Florestan. Et là-dessus, il construit cet opéra qui n'a rien qui le précède et rien qui le suive, ni chez lui, ni chez personne, et dans lequel on voit apparaître ces espèces de deux valeurs qui me semblent les plus essentielles chez Beethoven et qui, en même temps qu'elles sont des valeurs physiques, sont des valeurs morales, c'est-à-dire l'énergie et la foi. Je vous propose, avant de vous entendre développer ces deux points, d'écouter un extrait de cet opéra. Voici un extrait du quartet qui s'appelle Mir ist so wunderbar. Nous sommes à la scène 3 de l'acte 1. Est-ce que vous voulez nous présenter la scène que nous allons entendre? Oui, c'est les personnages qui se présentent en fait les uns aux autres. Ils sont là, séparés, quatre sur la scène. Et Beethoven a inventé là cette chose prodigieuse qui est un quatuor musical dans lequel chaque personne est un aparté et parle pour soi et pas pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a un exercice de quatre intériorités. Et cela, dans une atmosphère musicale de conciliation, d'harmonie, qu'on n'inventerait pas. Mais à partir de là, je dois dire que le retour sur soi de chacun et sa sortie vers les autres va s'affirmer. Et il faudra bien qu'on soit dans quelque chose de plus dramatique. On l'écoute. Ist L'action se déroule à la fin du XVIIIe siècle, en Espagne, dans une prison d'État près de Séville. Florestan, un noble espagnol, s'est attiré la haine du gouverneur Don Pizarro qui l'a fait jeter dans une prison. Son épouse, Léonore, va réussir à pénétrer les lieux en se déguisant en jeune homme qui porte le nom de Fidelio. C'est ce qu'il faut savoir de cet opéra, c'est que Fidelio est le nom masculin que Léonore emprunte pour aller retrouver son amoureux, donc Florestan. Et dans le quatuor que nous venons d'entendre, André Tuboeuf, c'est Marceline, la fille du geôlier Rocco, qui initie le chant, car Marceline est tombée amoureuse de Fidelio, qui n'existe pas. Alors, je voudrais rectifier un mot. Léonore n'est pas amoureuse de Florestan. Elle est sa femme. Et le sous-titre de Fidelio, c'est Gattenliebe, Fidelio ou l'amour conjugal. Et vous pensez que ça exclut l'amour, l'amour au sens de l'amour? Non, qu'elle soit amoureuse, mais il y a une insistance expresse de Beethoven sur ce thème de la fidélité conjugale, porteuse à la fois de solidité, de confiance quant à un appui possible vers l'extérieur et ouverture vers l'espérance dans la fidélité. Je dois dire qu'il y a des éléments très étrangement religieux chez Beethoven, en dehors, je pense, de toute confession traditionnelle ou rituelle. Mais il y a un sens des valeurs, je ne dirais pas avec une espèce de mysticisme, mais comme si des enjeux de salut, tant pour le monde que du côté de la mort et de l'autre monde, étaient vraiment engagés. Et Fidelio est l'histoire de ces gens qui sont en effet des nobles, mais enfin entourés de petites gens qu'on voit pour la première fois sur une scène d'opéra. Et Beethoven a tiré l'histoire d'un fait divers français où effectivement une femme noble alors a forcé la porte, forcé simplement, réussi à... L'idée de Beethoven, théâtralement, est merveilleuse. Enfin, oui. Cet habit de geôlier, et cette ambiguïté des rapports entre les deux personnages qui sont tous les deux féminins sans le savoir, mais avec forcément chez Léonore une sorte de profondeur, de timbre et comme de vision d'autres choses importantes dans l'existence. Et que ce soit dans une prison est important, et que ce soit de la malice de la part du gouverneur est également important. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui prend parti contre les tyrans, qui est révolutionnaire en brandissant les étendards. C'est la tyrannie que le supérieur peut exercer sur l'inférieur, que l'homme mieux en place peut exercer sur son subordonné immédiat. Il n'y a pas de pamphlet, il n'y a pas de déclaration contre la majesté des rois ou leur règne. Ou alors, elle n'est vraiment que transparaissant dans le contexte historique de l'époque, bien entendu, qui est un contexte enflammé. Mais c'est pour mettre davantage en lumière les deux forces qui suffisent pour qu'on vienne à bout de cela, c'est-à-dire, d'une part, l'énergie que chacun peut porter en soi, et d'autre, l'espérance. Alors, on va s'arrêter sur ces deux termes parce qu'ils reviennent de nombreuses reprises dans le livre que vous avez écrit sur Beethoven, qu'on trouve aux éditions Actes Sud. L'énergie, c'est un terme qui peut paraître assez vague. Alors, sous la plume des philosophes, on le trouve chez Bergson notamment, l'énergie spirituelle. Quel sens y mettez-vous ? Eh bien, le sens de l'énergie, qui devrait être le seul sens de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui va devenir en ergo, qui va être en acte. C'est-à-dire qu'il y a dans l'énergie un mouvement vers l'accomplissement de quelque chose qui ne se trouve pas dans la force qui peut être plus brutale. Voilà. Et l'énergie est comme une espèce de ressource motrice que l'individu se donne à lui-même et dont il va puiser la possibilité dans ses propres forces qui doivent, à cet égard, rester toujours en éveil. Et à cet égard, bien entendu, éveiller l'énergie, c'est déjà pratiquer l'espérance, c'est déjà vouloir aller plus loin, c'est déjà vouloir se sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et il y a chez Beethoven une espèce de mixte des deux termes, l'énergie lui servant essentiellement là où il y a à montrer du mouvement et de l'irruption, et l'espérance là où la parole, comme dans Fidelio, oblige à prononcer un certain nombre de mots. Pourquoi l'espérance et pas l'espoir ? Quelle différence faites-vous entre les deux ? Parce que l'espérance est une vertu théologale, comme l'amour conjugal est un amour conjugal. Et la vertu théologale est une vertu dont on ne peut pas trouver le principe moteur en soi-même. Et on dirait que l'espérance, d'une certaine manière, commence justement là où les capacités d'espérer, selon l'espoir, sont taries. Et qu'il faut passer à un cran supérieur, à trouver en soi-même, au fond de soi-même, une ressource d'ordre moral. Parce que les ressources supplémentaires d'ordre physique, on a beau les chercher, on ne les retrouve pas. Il y a un moment où le seul surplus d'énergie qui peut arriver se trouve fondé sur les forces morales, au-delà même du physique. Ça veut dire que nous avons besoin de croire en Dieu pour pouvoir agir ? Pas du tout. L'espérance n'est pas reliée au divin. L'espérance est reliée à quelque chose qui est plus grand que nous. Qui n'est pas forcément Dieu. Dont les ressorts ne nous appartiennent pas du tout. Mais enfin, que ce soit le cosmos, que ce soit qui voudrait qu'on l'appelle Dieu, mais c'est en dehors de toute considération théologique et de toute ritualisation possible. C'est comme une espèce de principe supérieur dont tous nous sommes porteurs. Et il serait étonnant qu'un homme de l'envergure de Beethoven, et qui a eu à lutter contre tous ceux contre quoi il a lutté, n'ait pas eu en lui cette ressource prodigieuse. Vous arrivez à le nommer, ou à la nommer, cette ressource prodigieuse, ce surplus ? Pour vous, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Et vous l'entendez dans la musique de Beethoven ? Ah, je l'entends absolument, elle y est dite, je veux dire, partout où il y a quelque chose à dire expressément et des mots à utiliser, elle y est. Et elle est plus difficile à entendre littéralement dans un quatuor ou dans une symphonie. Je veux dire, on ne peut la retrouver qu'à partir des invocations expresses qui lui sont faites. Quand on crie « Comme Hoffnung, viens espérance », il n'y a pas à se méprendre. Maintenant, où on va puiser la force de faire marcher le ressort, c'est dans le secret de l'énergie et de la force morale de chacun. « Comme Hoffnung », c'est donc ce que chante Fidelio. Complètement. « Viens espérance, viens illuminer les cachots ». Elle ne vient pas pour ouvrir les portes des cachots. C'est seule une femme héroïque qui réussira à le faire, et peut-être l'amour conjugal surmultiplié par la difficulté. Mais l'espérance illumine déjà l'obscurité. Elle donne foi dans le jour. C'est ce que j'allais vous dire, on y entend de la foi quand même. Oui, bien sûr. Dans votre manière de parler de l'espérance. Bien sûr, mais enfin, il y a trois vertus théologales en principe. La foi et l'espérance, en vérité, ne font un peu qu'un. Il y a juste la charité qui est un peu à part parce qu'elle agit, voilà, sur un autre plan. Mais l'amour conjugal serait aussi bien la charité. Et ce qu'on voit, enfin, dans la sortie des prisonniers, il n'émerge pas la liberté, on ne va pas leur procurer le statut social ou politique de la liberté. Non, on les amène pendant une demi-heure voir la lumière du jour et respirer au grand jour. Et ils en repartent, ayant emporté dans leur cœur un rayon de soleil. Et ce rayon de soleil va être l'espérance pour toute la journée. La musique de Beethoven apparaît bien des fois comme une méditation profondément émue à la réécoute inattendue d'un morceau que l'on croyait depuis longtemps perdu, l'innocence en musique. C'est de la musique sur la musique. Une chanson de mendiant ou d'enfant des rues, des airs monotones d'italiens errants, la danse à l'auberge du village ou des nuits de carnaval, c'est là qu'il dénichait ses mélodies. Il les amasse comme une abeille en happant ici ou là un son, un trait bref. Pour lui, ce sont des réminiscences transfigurées d'un monde meilleur, un peu comme Platon se représentait les idées. Mozart a un tout autre rapport avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en écoutant de la musique, mais en regardant la vie la plus animée des pays méridionaux. Il rêvait sans cesse de l'Italie quand il n'y était pas. Nous parlons de Beethoven cette semaine sur France Culture, philosopher avec Beethoven, aujourd'hui en compagnie du philosophe André Tuboeuf, qui nous accueille chez lui à Paris. Le temps de cette émission, nous venons d'entendre le chant de Fidelio Komm Hoffnung, Viens Espérance, interprété par la soprano Angela de Nock. Et nous avons entendu ensuite un extrait du texte de Nietzsche, que l'on trouve dans Le Voyageur et son ombre, au paragraphe 152, Beethoven et Mozart. Il qualifie la musique de Beethoven comme étant l'innocence en musique. C'est de la musique sur la musique, dit-il. Vous souscrivez à cette affirmation, à ce constat ? C'est très ambigu, comme la plupart des formules de Nietzsche. Je veux dire, l'innocence s'appliquerait aussi bien à Mozart, qui ne fait qu'inventer sa musique, et non pas à Beethoven, qui, semble-t-il, ici, va piquer ce qu'il trouve de mélodie chez les autres, dans les bars ou dans les fêtes, ce qui n'est pas vraiment de l'innocence. Mais il y a pourtant une innocence profonde de Beethoven qui consiste à tout faire à partir de lui-même. D'abord, si je peux me permettre d'être en désaccord avec Nietzsche, je ne crois pas du tout que Beethoven soit quelqu'un qui ramasse beaucoup de mélodies à droite et à gauche. Oui, il dit, c'est là qu'il dénichait ses mélodies. Voilà. Mais s'il y a une caractéristique de Beethoven en musique, en fait, c'est qu'il est le moins mélodique et le moins mélodieux des grands musiciens, et celui qui se préoccupe le moins d'être mélodieux. Je veux dire, il y a chez lui un chant qui sort triomphalement et comme malgré tout des touches d'un piano qu'on est en train, je ne vais pas dire de massacrer, mais enfin sur lesquelles on est en train de taper. Il y a un chant qui sort et qui est marqué cantabile, mais qui n'est pas chantable, qui signifie simplement que par une espèce de miracle de force et de forge, Beethoven a réussi à extraire des touches du piano la qualité chantante qui va être propre aux touches du piano, et pas la qualité chantable qu'un violon fournirait si vite et qui donne, voilà, le cantabile de tout le monde. Il y a un chant de Beethoven, et c'est le chant de personne d'autre. Et à cet égard, il est mieux qu'innocent. Il est innovateur et absolu. Il n'y a pas de suite non plus à cela. Et cette capacité de transmuer l'énergie qui déboule, mais comme une fureur, dans tellement de ses œuvres, transmuer cette énergie qui est l'énergie pure, qu'on pourrait appeler de la violence s'il s'adressait à quelqu'un, eh bien, le transmuer en lyrisme, c'est-à-dire faire sortir en même temps la qualité chantante de l'âme, même de l'âme opprimée, même de l'âme opprimée. Apporter ce rayon d'espoir, il est là le très profond humanisme de Beethoven et sa très profonde fraternité humaine, qui est une fraternité entre gens qui sont frappés différemment et pourtant également et au même titre frappés par le poids de la vie, la difficulté de la vie, et que ça aille sur la surdité, jusqu'à la surdité à cet égard, n'est presque qu'un détail. Il est déjà isolé, mais étant isolé comme il l'est par nature d'abord et par la surdité ensuite, il regarde ses frères, et il ne les regarde pas dans un poème de Schiller, il les regarde simplement parce que lui aussi est un pauvre qui a mal, qui attend, et dont la ressource, le pain véritable, est l'espérance. Vous savez, il disait toujours à ses musiciens, « Que me font vos maudits archers ? Je n'écris pas en me préoccupant de ce que vous réussirez à faire techniquement. Vous passerez outre. » Mais il disait la même chose, vous avez entendu tout à l'heure la voix de Léonore, il disait la même chose aux voix des chanteuses, « Que me font vos gosiers ? » Et au public, que me font vos oreilles. Et malgré cette espèce, c'est comme s'il sentait que c'est uniquement en se donnant de la totalité de soi-même et de la profondeur vraie de soi-même qu'il communiquera vraiment avec le public qui recherche, avec les oreilles qui recherchent. C'est-à-dire peut-être des oreilles qui ne sont pas dans la salle, parce que dans la salle, il n'y a que des riches et des nantis et des gens sachant déjà la musique. Il attend des oreilles neuves, c'est-à-dire effectivement des oreilles vierges, et auxquelles il puisse parler, pas par référence de la musique, mais par cette transmutation de l'énergie dont il est porteur, en lyrisme qui va devenir du chant, et il va les atteindre jusqu'au cœur. C'est unique que je sache. Et ça explique d'ailleurs en quoi il est très peu un homme des Lumières. Sa fraternité n'est pas celle de la fraternité des frères, et avec des majuscules et avec des rites. Sa fraternité, elle a pas, je veux dire, une espèce d'église souffrante, pas du tout militante. Sa fraternité n'est pas non plus celle des esprits dans une société des esprits. C'est une fraternité ouverte vers la lumière. Précisément, c'est à ses deux frères qu'il s'adresse dans une lettre restée célèbre, qu'on appelle également le testament de Heiligenstadt, qu'il rédige le 6 octobre 1802. Il est bien loin de mourir, mais il commence à devenir sourd, ce qui est pour lui déjà peut-être un avant-goût de cette mort qui viendra pourtant beaucoup plus tard. Écoutez ce texte lu par Vincent Schmitt, car il reprend l'analyse que vous proposez, André Tuboeuf, et il est intéressant de comparer ce chant dont vous parliez, que l'on entend dans sa musique, au chant, car c'en est un aussi, que l'on entend lorsqu'on le lit ou qu'on écoute les mots qu'il prononce. « Ô vous, homme qui me pensez ou me déclarez hostile, borné ou misanthrope. Quelle injustice vous me faites ? Vous ne connaissez pas la cause secrète de ce qui vous semble tel. Mon cœur et mon esprit furent dès l'enfance dédiés aux tendres sentiments de bienveillance. J'ai toujours été disposé à entreprendre même de grandes actions. Mais songez seulement que je suis depuis 6 ans en proie à un état désespéré, aggravé par le fait de médecins déraisonnables. Je vois mon espoir d'une amélioration trompé d'année en année, me résigne finalement de force à la perspective d'un mal durable dont la guérison prendra peut-être des années, voire sera impossible. Pourvu à la naissance d'un tempérament vif comme le feu, sensible même aux distractions de la société, je dus tôt vivre en marge et mener une vie de solitaire. Si j'eusse bien voulu, moi aussi, de temps à autre, m'élever au-dessus de toute chose, oh, avec quelle dureté je fus repoussé par la triste expérience redoublée de ma mauvaise ouïe. Impossible, il me fut pourtant de dire aux hommes, « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd. » Avec le quatuor de Fidelio qu'on a entendu en début d'émission, André Tuboeuf, hein, Mir Isso, Wunderbar, on entendait ces 4 voix qui ne semblaient pas communiquer, mais qui s'harmonisaient ensemble à l'écoute. Dans ce quatuor à cordes numéro 7, en fa majeur, opus 59, le quatuor qui interprète ici ce morceau s'appelle le quatuor Takax, eh bien, on y entend le même assemblage de cordes, cette fois-ci ce sont des cordes, qui semblent aller dans des directions différentes et pourtant se rencontrent et produisent ce qu'on peut appeler une forme d'harmonie. Ben, la produisait parfaitement, oui. Mais ce qui est remarquable, je veux dire que ce 7e quatuor est le premier. L'a précédé une série de 6 quatuors qui, en vérité, appartiennent au siècle précédent, au siècle de l'Ancien Régime. Et tout l'héritage admirable amassé et expressément amassé depuis Haydn et Mozart, tout cet héritage qu'on l'a expressément envoyé à Vienne pour qu'il le recueille, eh bien, il s'est accompli. Il est clair qu'il y a un premier Beethoven qui s'est accompli dans le siècle qui est clos et qui ne débordera pas. Et c'est comme s'il arrivait en même temps que sa surdité augmente à une autonomie, on ne va pas dire un autisme, mais une autonomie et une indépendance d'esprit, une indépendance vis-à-vis de la composition même. Il y a assemblage progressif dans le quatuor de Fidelio. Mmh. Comme les membres d'un quatuor à cordes ne disposent pas de la parole, mais simplement de la sonorité et du lié de leur propre phrasé et de l'accent qu'ils peuvent y apporter, compatible avec l'économie sonore de l'ensemble, on a ici cette expérience qui est, je crois, unique chez Beethoven, celle d'un départ pur, départ de rien, qui pourrait n'aller nulle part. Et ce violoncelle qui commence, et qui commence tout seul, on se dit, mon Dieu, qu'on le mette dans les mains de Piatigorsky, peut-être voilà qu'il va continuer tout seul, il n'a en vérité besoin de personne. Mais voilà le quatuor qui devient forme rassembleuse, une des plus admirables chez Beethoven, parce qu'on sait jusqu'où il ira dans cette forme, et que ses dernières œuvres, qui sont peut-être ses œuvres les plus remarquables de toutes, sont précisément dans ces derniers quatuors à cordes où a été inventée une façon de s'unir dans la dissonance, de trouver une harmonie plus forte dans le fait même qu'elle prend des risques en matière de discontinuité et de dissonance. Et c'est comme si pendant des années d'exercice de quatuor, Beethoven s'était fait la main. Et on voit ici la première manifestio, je pense toujours avec... Se fait la main pour quoi? Pour envie de la symphonie qui viendra non, ensuite? Oui, non, se faire la main, c'est-à-dire avoir bien en main l'ustensile. Enfin, parce que l'un quatuor à cordes, en vérité, c'est un ustensile. Il est composé de quatre personnes, mais c'est un ustensile qu'il faut faire tâcher de marcher comme si c'était une seule personne qui l'animait. Et il se fait la main au sens où, d'apprenti qu'il était, de maître qu'il devient, eh ben, il va devenir ce qui dépasse la maîtrise même, ce qui caractérise les quelques dernières années de sa vie, ses toutes dernières sonates, c'est-à-dire les choses qu'il a faites pour le piano, et les derniers quatuors, c'est-à-dire quelqu'un qui survole la musique. Et pour moi, ce départ du septième quatuor, c'est comme chez Rimbaud, voilà, ce départ dans l'allégresse et le bruit neuf. On trouve ça dans ce septième quatuor avec le violoncelle qui part ainsi. Et on trouve ça au début de la sonate piano Waldstein, avec cette espèce de martèlement au sol, sur lequel vient planer quelque chose, qui s'échappe, et puis on revient au sol. Et c'est neuf. C'est une allégresse, et c'est un bruit, et c'est neuf. C'est neuf, ça veut dire que ça ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu avant. Rien, rien. Il n'y a pas de départ en musique, ni comme pour la Waldstein, ni comme pour le septième quatuor, et cela chez Beethoven lui-même. On part d'une manière conventionnelle, on part comme il est convenable qu'on parte. Il y a un accord ou il y a une ritournelle, mais là, oup, ça s'en va tout simplement, et il n'y a qu'à suivre et à s'organiser autour. Et cela signifie qu'on est déjà arrivé en soi-même à une maturité, une maîtrise dans sa capacité compositionnelle qui devient effectivement indifférente aux capacités réelles de l'instrument dont on dispose et qu'on dise « Mais que voulez-vous m'embêter avec vos archers ? Moi, je réussis à faire ce que j'ai à faire, vous allez le réussir aussi, point barre. » Drôle de métier que celui de compositeur qui a besoin d'autres que lui-même pour pouvoir faire écouter ce qu'il écrit. Oui, sauf, et c'est pourquoi... Des tributaires de la qualité des instrumentistes. Sauf, non, mais précisément, on oublie le piano de Beethoven qui, s'il existait tout seul, suffirait à faire Beethoven en un sens plus grand que les autres. Et en face du piano, Beethoven est lui-même en face de l'instrument qui lui est propre. Et à chaque fois qu'il a pu... Il a choisi un instrument plus fort et plus performant et qu'on puisse rendre chantant du bas en haut, en faisant chanter même les basses, ce qui arrivera avec les dernières sonates. Mmh. Mais ça, le piano, c'est son instrument. Oui, ça, il le dit, oui. C'est précisément... Mais enfin, il martyrise le piano. Il a dû faire claquer un certain nombre de cordes dans sa carrière. Mais on peut dire que l'idéal, on entendrait Beethoven travailler et retravailler comme une espèce de work in progress. Son départ de la Waldstein au piano, on serait en voilà, en face de la, j'allais dire, la quadrature du cercle, enfin voilà, ou la Gesamtkunstwerk, enfin ce qui n'a besoin que de soi-même et que d'un seul pour réaliser la totalité de ce qu'il porte en lui. Car il n'y a pas plus de musique dans les quatuors qu'il y en a dans les symphonies ou qu'il y en a dans les sonates. Il y a toute la musique de Beethoven dans tous les moments où il s'exprime totalement et pleinement lui-même. Est-ce vrai pour d'autres artistes aussi géniaux que Beethoven, cette faculté d'être lui-même, de dire ce qu'il veut dire dans chacune des notes, dans chacun des silences? Est-ce qu'on peut penser un équivalent en littérature, en peinture? Je ne pense pas qu'il y en ait d'équivalent possible hors de la musique, parce qu'il n'y a que la musique qui est réellement dynamique. Il n'y a que la musique qui traverse du temps, qui est pour nature de traverser du temps, et de lui donner cette espèce de consistance dans laquelle on peut opérer soi-même, parce qu'on est l'auteur et l'ouvrier, des fragmentations. Aucun autre art ne permet cela. Et bien entendu, pour Beethoven lui-même, c'est quand il a son piano qu'il peut réaliser ça, en un sens comme s'il improvisait. Et il ne faut pas l'oublier, la première vertu qu'on lui a reconnue, ce qui l'a fait accepter, malgré son caractère de cochon et ses mauvaises manières, ça a été son génie d'improvisateur, qui continue de se marquer dans ses œuvres les plus élaborées, où il laisse soin de temps en temps de faire revenir quelque chose qui aura besoin d'un nouveau départ. Voilà, comme si on reprenait autrement. On se sent forcément un peu pâteau quand on est tributaire du langage pour parler de ce que lui fait sans verbe, sans parole. Ben oui, on se sent pâteau. Traduit triplement, parce que si la musique traduit ce que lui est ou pense, eh bien nous traduisons en mots ce que la musique traduisait déjà. Donc on voilà, se retrouve à 3 degrés de la réalité, comme dirait Platon. Il y a une traduction sous forme d'expression de ce qui n'était qu'impression intérieure. Et les impressions intérieures, c'est rien, c'est du vent. Et l'expression qu'on leur donne sur ces touches du piano, voilà, en improvisant et en tapant, ça va faire une impression extrême sur les gens qui écoutent. Mais maintenant, comment identifier, comment qualifier, comment se débarrasser de toute façon du langage facile qui est celui du chromatisme, celui d'un chromatisme selon l'œil, si on veut apprécier des nuances. Le mot même nuance renvoie à quelque chose qui va aux yeux. Et il y a donc une espèce d'autonomie et d'autisme de la musique qui fonctionne en elle-même et pour elle seule. Et c'est pour ça que Beethoven peut rester champion absolument là-dedans, parce que il se sent à l'aise dans cette solitude et dans cette façon de refuser les autres et d'être refusé par les autres et de se tenir à part. On retrouve Nietzsche. On retrouve Nietzsche, qui était assez mauvais coucheur lui-même. Et jusqu'où tient cette comparaison entre les deux hommes? Est-ce que vous pensez que la pensée de Nietzsche s'applique à la musique de Beethoven? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, malgré tout ce qu'il proclame, et malgré le fait qu'il en fasse un peu son idéal moral, quand il parle de morale, je ne vois pas du tout chez Nietzsche, dans son travail, l'espèce de principe de continuité et le forcing que l'on aperçoit dans chacune des œuvres importantes de Beethoven, qui est toujours un combat. Et d'abord un combat contre soi-même. Alors là, il redevient nietzschéen. Mm-hmm. Le premier et seul vrai combat. Combat, affrontement, on trouve d'ailleurs l'étymologie même de concert, concerto. Oui, oui. Renvoie à celle de l'affrontement. La concertation, la concertation, et la bagarre. Enfin, la bagarre et la dispute. Mais tout le monde a oublié enfin le sens primitif de la dispute, enfin qui est cette espèce de bagarre par le moyen du discours, et on s'engueule en musique d'une certaine manière. Et s'engueuler avec harmonie, c'est très compliqué. C'est mieux. L'harmonie doit résulter de la disputation et de la concertation. Et pour qu'on puisse se concerter, il faut qu'on soit dans des camps opposés, qu'on soit antagoniste, qu'on soit les uns en face des autres, qu'il y ait querelle, c'est aussi un mot qui parle, de choses qui parlent, n'est-ce pas? Mais Nietzsche avait lui-même, enfin, en lui-même, une telle philosophie profonde de l'opposition sous la forme de l'antagonisme. Et de l'antagonisme où les gens ne sont plus du tout des interlocuteurs dialoguants d'une manière socratique ou autre, mais des ennemis, enfin des ennemis qui sont ennemis en tant que le seul moyen pour eux, pour chacun d'entre eux, de sortir vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ce dont ils sont porteurs, c'est de s'affronter à un égal, ou même un supérieur, de façon d'être obligé de sortir le meilleur de soi-même. Il y a quelque chose qui est toute la morale de Nietzsche là-dedans, et d'une certaine manière, toute la vertu de Beethoven aussi. Affronter pour dépasser, pour se dépasser, bien entendu, et affronter pour être obligé d'aller tirer dans soi-même, du fond de soi-même, comme on le disait tout à l'heure à propos de l'espérance, ce ressort de plus qu'on ne se connaissait pas, et qu'on ne se connaîtrait jamais si on restait à dialoguer avec soi-même, ou à écrire comme Kant, pondre son gros œuf, enfin, dans la solitude et dans la tranquillité. C'est dans le combat. Alors à cet égard, oui, il y a une espèce de parenté, de caractère, et je dirais même de tactique, entre Beethoven et Nietzsche. Mais c'est d'abord un combat avec soi, avec eux-mêmes. C'est d'abord, quelqu'un qui n'a pas d'abord combattu beaucoup avec soi-même ne serait pas capable d'affronter un adversaire un petit peu costaud. Il faut avoir fait la preuve contre soi-même, il faut avoir payé en face de soi-même le prix qu'il faudra ensuite perverser dans le combat. Ce combat-là, on l'entend dans certaines œuvres de Beethoven, on l'entend pas dans d'autres, et vous allez nous dire si on l'entend dans le morceau que nous allons écouter à présent et qui nous permettra d'aller au bout de cette émission. C'est la sonate numéro 9 en la majeure qu'on appelle, qui est mieux connue sous le nom de sonate à Kreutzer. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots? Je peux vous en dire deux mots qui ne sont pas ceux de Tolstoï, qui a battu toute une nouvelle là-dessus. Ce qui rend la plus immédiatement remarquable à Kreutzer, c'est que Kreutzer était le nom d'un violoniste. À qui est dédié la sonate. À qui la sonate est dédiée et qui a obstinément refusé de la jouer, la trouvant injouable. De même d'ailleurs qu'il a fallu remplacer, enfin quand Beethoven a écrit un concerto pour violon, celui à qui il était destiné a refusé d'y mettre les doigts comme si c'était du feu qui brûlait. Tellement c'est difficile à jouer. Et ce qui est intéressant dans la sonate à Kreutzer se lit tout de suite, ça se lit en tête de partition. Il y a, selon les éditions, marqué « in stilo concertante » ou « in stilo concertato ». Mais en tout cas, sous les espèces du combat. C'est-à-dire, on est là pour se faire aider par l'antagoniste à aller soi-même au bout de ses ressources. Et à un moment donné dans cette sonate, il faudra que le violon s'invente à lui-même des espèces de hauteur et d'altitude à peu près intenables, et que le piano s'invente des violences, et que l'un à l'autre, enfin, il soit là comme d'une empoignade, les obligeant à donner chacun sa vérité le plus profonde. C'est un combat entre le violon et le piano. Oui, pas tout le temps, Dieu merci, parce que elle a quatre mouvements, si je ne me trompe, et il y en a un seul qui représente de la façon la plus violente cet affrontement, mais elle est marquée délibérément et dès l'entrée, in stilo concertato. Autrement dit, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire la paix, pour faire ensemble quelque chose de joli qui va plaire à tout le monde dans la salle. On est là pour préparer, mettre en place dès le début un affrontement qui, à un moment donné, sera un véritable antagonisme, une espèce de lutte en champ clos. Quelques-uns peuvent laisser des plumes, notamment en l'occurrence, les violons peuvent y laisser leurs cordes et les auditeurs, eux, peuvent y laisser leur envie d'écouter. D'ailleurs, les critiques eux-mêmes ont... Oh là ! Formuler un accueil très réservé. Il est clair que quand vous avez l'habitude d'entendre les sonates piano-violon Mozart, signées Mozart, ou que vous connaissez Beethoven par la sonate dite du printemps, où tout est en effet printemps, enfin, cantabile, alors pour le coup qui est chantable et pas seulement chantant, mais aussi la Kreutzer arrive pratiquement à la fin de la série des sonates pour piano et violon, et c'est comme si c'est toutes celles qui ont précédé préparaient cette lutte en champ clos, de la même manière que les quatuors d'avant les Rasoumovski préparent les Rasoumovski, qui eux-mêmes préparent les grandes solitudes finales. Eh bien, ce sera avec cette sonate que nous allons nous quitter, André Tuboeuf, avec au piano Martha Argerich et au violon Gidon Kremer. Voici donc la sonate à Kreutzer, sonate numéro 9, en la majeure, opus 47. J'en profite pour rappeler, André Dubeuf, qu'on peut lire de vous un ouvrage qui s'appelle Ludwig van Beethoven, qu'on trouve aux éditions Actes Sud. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Merci d'être venu jusque chez moi. Retour au studio de France Culture pour le journal de la philo avec Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez de conversation ce matin. Et oui, parce que j'ai été dans une drôle de situation. Je me suis retrouvée dans une réunion de famille qui n'était pas la mienne. Et j'ai été saisie par cette question. Comment converser, parler avec des personnes dans un registre familial, intime, sans pour autant les connaître. Mais ça va papa, hein, tu t'es bien servi, c'est ton régime là, c'est mais ça? C'est de la viande maigre, le lapin. Bon enfin quand même, t'as vu ce que tu enfiles. Et toi tu as vu ton gros cul? Mais il est malade ce mec. Ouais, ben bah, j'ai un gros cul parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi et voilà. Mais enfin, du coup, je recommence suffit. À fumer, hein. Oh, ça elle suffit, vrai. T'arrêtes de l'emmerder, oui ou merde. Mais c'est elle qui arrête pas de nous emmerder. Amélie, New York simplement pour nous faire chier. Nothing to do with you. Arrête, connard. Non mais écoutez, on peut être un peu civilisé. Mon mec est à la table, il vient de loin, etc. J'aimerais bien qu'on lui parle un peu. Eh ben on va lui parler. À Jack. Que faire quand on arrive dans une famille qui n'est pas la nôtre, dans un cadre de fête familier, intime? Le sujet a été maintes fois traité, notamment au cinéma, car le nouvel arrivant est toujours un révélateur, tragique ou comique, du fonctionnement, parfois dysfonctionnel, d'une famille. Hostile ou trop accueillante, polie ou triviale, drôle ou rigide. Quand on débarque dans ce genre de cadre, on est ainsi forcément un peu perdu, entre les habitudes, les souvenirs et l'intuition que l'on peut avoir des rapports de force entre des frères et sœurs, et bien sûr, avec les parents. J'ai toujours beaucoup aimé, pour ma part, occuper cette place. On est un peu au spectacle, débarrassé pour une fois des enjeux de notre propre famille. Le mieux, c'est quand une dispute éclate, ou au contraire, quand tout à coup, un souvenir évoqué donne lieu à des récits enflammés de vacances passées ensemble. ensemble. En fait, le mieux, c'est quand on assiste à une effusion qui casse les codes, les bonnes manières. Dans ces moments, on fait partie de fêtes de la famille, convié à partager son histoire. Mais qu'en est-il quand c'est à son tour de prendre la parole, de raconter ce que l'on fait, ses souvenirs dans sa langue à soi, celle qu'on partage avec nos proches? On ne peut pas être trop à l'aise, on a un devoir de présentation, mais on ne peut pas non plus être trop retenu. Ça pourrait être interprété comme une mise à distance. Entre politesse et intimité, comment faire? Quelle langue parler? Belle musique d'ascenseur, Géraldine. Oui, Adèle, d'ailleurs, on croit souvent que le pire, ce sont toutes ces petites discussions, ces small talks sur la pluie et le beau temps qu'on se doit d'avoir avec des collègues dans un ascenseur, justement. Ces conversations seraient les pires, car elles seraient le contraire de la vraie conversation. Celle qui serait un véritable échange, celle que l'on pourrait avoir en famille ou entre amis. Mais si vrai que ça, peut-on vraiment tout dire à ses proches? Et à l'inverse, est-on forcément maniéré, voire hypocrite avec ses collègues? Et tout dire, est-ce que cela veut seulement dire déverser ses peines de cœur, ses doutes et ses angoisses? Et être poli, est-ce forcément se retenir de parler et échanger des banalités devant une machine à café? Sûrement pas. D'ailleurs, je crois que le problème est même là. Et il est double, ce problème. D'une part, comme on l'a dit, il faut savoir quel registre de langage emprunter dans tel ou tel cadre. Mais il concerne d'autre part, et surtout, cette idée même de registre de conversation. Y a-t-il vraiment un registre de langage adapté à certains types de situations et pas à d'autres? Existe-t-il vraiment un registre de la sincérité ou un registre de la retenue? Sont-ils forcément incompatibles, forcément étanches? Et que faire alors de la sincérité feinte ou de la politesse qui réconforte? Et que faire de moi alors, tiraillé à ce repas de famille entre bonnes manières et esprit de famille? Le meilleur moyen de partager, de découvrir et de créer avec une autre personne est de discuter avec elle. Il n'est donc pas exagéré de dire que la base de toutes les relations sociales d'une personne réside dans ses capacités conversationnelles. D'ailleurs, tout le monde discute constamment. Et pourtant, tant de gens ne maîtrisent pas cet art à tel point qu'ils ne parviennent pas à créer quoi que ce soit. C'est quand même drôle d'entendre des conseils pour bien parler dans une qualité aussi médiocre, de manière aussi peu séduisante et aussi peu convaincante. Je crois d'ailleurs que le drame de la conversation est là, dans cette assurance à défendre la conversation comme un moyen de gagner quelque chose, de créer à tout prix quelque chose, à condition bien sûr de suivre des règles et de ne surtout pas s'en écarter, s'en émanciper. Pourtant, je crois, bien au contraire, que la conversation ne prend que quand elle déborde justement, soit par excès, par effusion, soit par défaut, par un trop-plein de silence, de gêne. Au fond, même quand on ne dit pas ce qu'il faut, il s'échange bien quelque chose, ce qui est bien la finalité d'une conversation. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Jules Barbier qui m'a accompagné chez André Tuboeuf ce matin, en compagnie de Nicolas Berger, du technicien Arthur Gerbeau. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est aussi bien sûr vous, Géraldine Mosnay-Savoie, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Manon Delasselle. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série sur Beethoven. On continuera à philosopher avec lui en compagnie de Bernard Fournier qui viendra vous parler de ses quatuors. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.